Mais c'est qui Mourad? Moi on me parle d'un mec qui s'appelle Mourad, on me dit c'est un boxeur d'Argentin, mais je connais pas l'histoire, ça se passe à Bercy, les yeux. Mourad, c'est Argenté face au ring. Ici, placé chez où personne n'est à l'abri. Le premier boxeur de mon ghetto, 1m68, 70 kilos, et c'est pas rigolo. Chacun de ses compas font mal, elle rappelle son envie de percer. Son art se visualise en plusieurs reprises sur les rings. Et l'on terrorise et ça se banalise. 100% un produit du 9500 élégant. C'est pas un fricant, mais il te casse les dents. Reste pas à toi, grand frère, de ma foi fait rêver. De la France à la Thaïlande, toujours représenter notre secteur. Dealer, Mourad, c'est un cogneur, un broyeur. Ce soir, Percy, on prend d'assaut. Elle est gladiateur, on compte à rebours et déclenché. Mais c'est qui Mourad? Mais c'est qui Mourad? Assis-toi et ouvre les yeux. Ce soir, c'est Argenteuil.